Viens, prince. Qu'as-tu à demeurer planté devant ce lit? Tu ne ressusciteras pas Nastassia. Rogojine me saisit par le bras et laissa retomber le rideau qui séparait l'alcôve du reste de la chambre. Nous nous assîmes de nouveau l'un en face de l'autre. De violents frissons secouaient mon corps, mais je ne quittais pas des yeux le visage pâle de Rogojine. Je constate que tu trembles, Léon Nikolaïvitch, comme il t'arrive de le faire avant tes crises. Que vais-je faire de toi si tu te roules par terre et si tu commences à hurler? Je ne sais pas. Peut-être n'aurais-je pas une attaque. C'est toi qui... Oui, c'est moi. Mais personne ne sait que Nastassia a passé la nuit ici. Hier, nous sommes entrés doucement, comme ce soir avec toi. Je pensais qu'elle ne voudrait pas entrer ainsi, sans bruit. Tu comprends? Eh bien, elle a parlé à voix basse, marché sur la pointe des pieds, et même relevé sa robe, pour qu'on ne nous entende pas. C'est de toi qu'elle avait peur. De moi? Tu divagues, Rogojine. Je m'explique mal. Elle avait peur que tu ne découvres l'endroit où elle se cachait. Dans le train, elle était comme folle. Et c'est elle-même qui a voulu qu'on vienne ici. Moi, j'avais l'intention de l'amener chez son amie, Daria Alexeyevna. Non, Rogojine. Chez Daria Alexeyevna, il me trouvera sûrement. Cache-moi plutôt dans ta vieille maison. Il ne viendra pas m'y chercher. Et demain, à la première heure, on partira pour Moscou. De là à Orel, on disparaîtra dans les forêts. Elle s'est couchée avec l'idée de partir pour Orel, frère. Tu es sûr que tu ne vas pas avoir une attaque? Non, j'en suis sûr, ne t'inquiète pas. Alors c'est bien. Nous passerons la nuit ici. Nous enlèverons les coussins du divan et nous nous ferons un lit par terre, près du rideau, de façon à être tous les trois ensemble. Écoute, prince. S'ils viennent, il ne faut pas ouvrir, tu comprends? Car ils se mettront tout de suite à chercher. Et ils auront au fait de la découvrir et de l'emporter. Ouvre, Rogojine. D'abord à la morgue, je suppose. Au cimetière, ensuite. En effet. On m'interrogera, je dirai que c'est moi. Et on nous séparera. Ce sera terrible. Oui, oui. Il vaut donc mieux ne rien avouer et ne pas laisser l'emporter. Oui, oui, oui. C'est ce que j'ai décidé, frère. Ne l'abandonner à personne, pour rien au monde. Hier, je ne suis sorti que pour une heure. Aujourd'hui, juste le temps d'aller te chercher. Seulement, il fait étouffant ici. Et je crains que l'odeur... Sens-tu quelque chose ou non, prince? Ça sent peut-être un peu. Ah. Pourtant, je l'ai recouverte d'une toile cirée. Et j'ai versé dessus une bouteille de parfum. Oh, mais tu trembles de plus en plus, Léon Nikolaïvitch. Étends-toi, prince. Et cesse de trembler, tu me fais peur. Pousse-toi un peu, je vais me coucher à côté de toi. Oh, que je n'écoute. Comment l'as-tu... Avec un couteau? Ce même couteau que tu as levé sur moi un jour? Oui. Avec ce même couteau. Mais dis-moi... Est-ce que tu n'avais pas d'abord l'intention de l'assassiner devant l'autel, dans l'église? Dans l'église? Non, je ne crois pas. Tu n'avais pas emporté ton couteau à Pavlovsk, le jour de notre mariage? Non. C'est hier, vers 4 heures du matin, que je l'ai pris dans un tiroir. Je l'ai enfoncé en dessous du sein gauche. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est sorti qu'un tout petit peu de sang. À peine une cuillère, sur la chemise. On appelle ça hémorragie interne. Ça arrive lorsque le coup est indirectement le cœur. Chut! Tu entends, Léon Nikolaïvitch? Quelqu'un marche dans le salon. Je n'entends rien. Cependant, j'ai entendu distinctement des pas. Chut! Tu entends maintenant? Ah oui, maintenant j'entends. C'est elle, n'est-ce pas? Il se peut que ce soit elle. Je vais fermer la porte. C'est cela, ferme-la. Nous nous recouchâmes. Et pendant longtemps, nous gardâmes le silence. Je ne sais pas à quoi je songeais. À rien, sans doute. Je ressentais une vive douleur à la nuque, mais ma tête était vide. Soudain, je me rappelais que Rogojine jouait souvent aux cartes avec Nastassia. Et la veille, Tu as joué aux cartes avec elle, n'est-ce pas? J'ai joué, frère. Comment le sais-tu? Où sont ces cartes? Je les veux, donne-les-moi. Et voilà. Parfait, Rogojin tira de sa poche un jeu de cartes usé et me le tendit. Je le saisis avec avidité. Mais aussitôt, je le jetai loin de moi. Je venais de comprendre qu'en ce moment, comme toujours, je disais autre chose que ce que je voulais dire. Et je faisais autre chose que ce qu'il lui fallut faire. Je me levai. Je voulais fuir. Cependant, après m'être approché de la porte, je revins sur mes pas. Je pris une chaise. Je m'assis à côté de Rogojin qui, couché par terre, fixait sur moi ses yeux pleins de fièvre. Et l'officier, prince? L'officier? Tu te souviens comment il a frappé cet officier? En pleine salle à l'opéra. Et ses camarades qui accouraient partout. Et toutes ces belles dames qui la foudroyaient du regard. Et elle, comme une tsarine. Une tsarine dédaigneuse. Elle détournait la tête. Parfait, Rogojin se dressa tout à coup sur ses coudes. Le visage aiguisé par la peur, il regarda fixement la porte. Quelqu'un essaie de l'ouvrir. Mais non. La porte est fermée à clé, personne ne la pousse. Tu as raison, Léon Nikolaïvitch. Et il n'y a personne derrière la porte. Nastassia t'a aimé. Toi seul. Bien que tu ne jouisses pas de toute ta raison. Et c'est avec toi qu'elle rêvait de refaire sa vie. Ah. Oui, mais elle comptait sans moi. Moi, j'enrageais en voyant quel bel amour elle te vouait. Et je l'ai tué. Et puis je t'ai amené ici. Pour que tu la vois morte sur son lit, que tu me maudisses. Mais tu ne m'as pas maudit. Tu ne m'as même pas adressé un mot de reproche. Oh. Quel homme es-tu donc? Je ne sais pas. Peut-être suis-je vraiment un idiot comme les gens le prétendent. Oh non, prince. Tu es un étranger. Un étranger. À nous tous et à ce monde. Ah, je ne te vois plus. Et tout tourne devant mes yeux. Et de plus en plus vite. Ah, j'ai soif, Léon Nikolaïvitch. J'ai soif, frère. Et Rogojin sombra dans l'inconscience. Maintenant, il respirait avec difficulté. Il semblait chasser quelqu'un de sa vue. Il délirait visiblement. Je m'assis à côté de lui. J'enveloppai son front brûlant d'une serviette trempée dans l'eau. Et lorsqu'il voulait se lever, je le retenais sur ses coussins de toutes mes forces. Et je pleurais sur lui, sur moi, et sur Nastassia Philipovna, qui était couchée à quelques pas de nous, inerte, glacée, et pour toujours indifférente. C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, Marcel Bozufi, Parfen Rogojin, et Sylvia Montfort, Nastassia Philipovna. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacqueline Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.